Bonjour et bienvenue dans le podcast Notre Belle Fratrie, le podcast qui s'intéresse aux relations entre les frères et sœurs. Nous sommes Caroline et Charlotte, deux sœurs très proches qui avions envie depuis longtemps de créer un podcast ensemble. Je m'appelle William et je recherche ma famille aux États-Unis. So growing up, there was always a secret out there somewhere. L'histoire que vous allez entendre, nous la connaissons bien, puisqu'il s'agit de celle de notre père et de notre tante. Je pense que cette histoire de famille a joué un rôle très important dans notre fratrie. Et quand j'y pense, je me dis que je suis chanceuse d'avoir grandi dans une famille qui ne se cache rien et où l'unité familiale est si importante. C'est sans doute aussi pour cela que je suis si proche de mon frère et de ma sœur. Nous nous sommes alors demandé s'il était possible de créer une relation fraternelle à un âge plus avancé lorsqu'on n'a jamais eu soi-même de frère et sœur. Cette relation peut-elle se nouer sur le tard ? Je m'appelle William, je suis né en mars 1957 et mon papa était américain, ma maman était française. Ils se sont rencontrés dans l'établissement que tenait ma grand-mère, un établissement qui était hôtel, bar, restaurant. Mon papa était militaire à cette époque-là et venait régulièrement parce qu'il faisait des manœuvres militaires dans la région de Saint-Herme. Nous avons vécu quelques années certainement dans la maison que ma grand-mère avait achetée je me souviens pas, mais mon papa est reparti aux États-Unis il semble que ma maman n'ait plus de nouvelles de lui pendant longtemps. Quelques temps plus tard, ma maman s'est remariée avec un homme qui était originaire du sud de la France, dans le Var. Nous sommes partis là-bas. Ma grand-mère a suivi, a vendu son établissement et a acheté une maison proche de là où habitait ma maman. À cette époque, ma maman travaillait aussi dans un magasin dans la commune voisine de là où nous habitions. Et c'était ma grand-mère qui me gardait pratiquement toute la semaine parce que me disait-on que ma maman avait des horaires difficiles, donc je ne la voyais que le soir où en revenant de son travail, elle passait me voir et je restais dormir chez ma grand-mère. Et tous les matins, je prenais le bus pour aller à l'école. Et je voyais pas beaucoup ma maman, si ce n'est un petit peu le week-end où j'allais passer une nuit là où elle habitait. Nous avons vécu dans le sud de la France pendant environ 5 années, pendant laquelle j'ai fait pratiquement toute ma scolarité, du CP jusqu'au CM2. Ensuite, le mari de ma maman est tombé gravement malade, il avait un cancer. Et mon grand-père aussi, pendant cette période-là, est tombé malade. Ils sont décédés à 15 jours d'intervalle. Ma maman a donc décidé de trouver un autre travail et elle a pu trouver sur Paris un travail. Donc elle est remontée vivre à Paris et ma grand-mère est remontée également peu de temps après avec moi et nous avons habité dans la maison où j'avais habité quand j'étais tout bébé, la maison qu'avait achetée ma grand-mère. Et ma maman, à cette époque, rentrait tous les week-ends de Paris en train pour passer le week-end avec nous. Et malheureusement, le 16 juin 1972, nous sommes allés la chercher à la gare de Lens. Et le train n'est jamais arrivé. Il y a eu une catastrophe ferroviaire qui a fait 102 morts à cette époque. Et maman était dans les personnes qui sont décédées. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Il est encore impossible à l'heure actuelle de dresser le bilan définitif de la catastrophe ferroviaire du tunnel de Vierzy. Cela s'est passé hier soir dans ce tunnel qui se trouve près de Soissons, mais ce bilan sera certainement très très lourd. Il s'agit sans doute d'une des tragédies les plus graves de ces dernières années en France. Pour l'instant, 40 morts et 76 blessés. Non, je me suis retrouvé complètement perdu et démuni parce que je perdais l'être que je chérissais le plus au monde à cette époque, et tout mon avenir un petit peu s'arrêtait, j'avais plus rien, c'était comme tout s'effondrait autour de moi à cette époque-là. L'époque où est survenu cet accident de Vierzy, j'étais scolarisé au collège en troisième, donc j'allais passer l'année d'après au lycée. Et avec ma maman, on avait convenu que j'aille habiter à temps plein, je dirais, avec elle à Paris. Et on ne l'avait pas encore annoncé à ma grand-mère. Et forcément, quand cet accident est arrivé, tous ces projets se sont arrêtés et j'avais plus aucun espoir de vivre pleinement avec ma maman. Toute ma jeunesse, où ma maman était encore vivante, j'ai pas souvenir avoir eu envie d'avoir des frères et sœurs. Pourquoi j'avais pas cette envie-là? Parce que j'avais jamais vraiment connu ça, puisque forcément j'étais tout seul. Par contre, il me semble un souvenir me revenir où quand ma maman a eu cet accident de train, et que je me retrouvais sans ma maman, mon papa depuis longtemps n'était plus là, et il me semble avoir eu pensée à un moment donné de dire « Ah, si j'avais un grand frère ou une grande sœur, je pourrais lui confier plein de choses, je pourrais lui confier ma peine ». Mais bon, je pense que c'est assez furtif, cette pensée-là, peut-être dans ma grande tristesse, ma grande solitude, peut-être que j'ai pensé effectivement à ça. Mais après, ça s'est pas forcément reproduit, j'ai vécu ma vie d'enfant unique, sans penser à avoir des frères et sœurs. D'autant que, après, bien forcément, c'était plus forcément possible puisque mes parents n'étaient plus là. J'ai grandi seule avec ma mère. Elle ne s'est jamais remariée et il n'y a pas eu d'autre homme dans sa vie que mon père. Je n'ai aucun souvenir de mon père. Ça a toujours été ma mère et moi, uniquement. Ma tante et mon oncle étaient toujours près de nous. Ils n'étaient ni des parents, ni des frères et sœurs. C'était plus comme ma famille au sens large. Au final, j'étais seule avec ma mère la plupart du temps. Elle travaillait beaucoup. Mais nous avons toujours eu beaucoup de voisins et d'amis qui venaient à la maison. Les gens aimaient beaucoup ma mère et ils prenaient soin de moi. On n'avait pas de grande famille, mais on avait beaucoup d'amis, et ça nous a permis d'avoir des gens qui nous entouraient. C'était agréable. J'ai donc grandi à Chicago, elle et moi contre le reste du monde, comme on dit. Je suis allée à l'école de mon quartier, le collège et le lycée, dans le même établissement, à deux pas de la maison. Voilà. C'est à peu près tout ce qui est de mon enfance. Alors au fur et à mesure des années, je me posais beaucoup de questions sur la vie de mon père, quand il était reparti aux États-Unis, comment il avait vécu, comment il était décédé, pourquoi il était décédé. Et je n'attendais pas beaucoup de réponses de ma grand-mère qui m'a malheureusement caché beaucoup d'informations. La seule chose que je savais, c'était que j'avais une tante et un oncle. Et cet oncle était venu en France quand j'étais né, et il était mon parrain lors de mon baptême. Je savais aussi que cette tante avait plusieurs enfants, donc mes cousins, car quand mes parents se sont mariés, ils étaient partis faire leur voyage de noces aux États-Unis, et nous avions rencontré ma famille américaine. Et j'ai des photos, des anciennes photos, où je suis en photo avec mes cousins, quand je suis tout jeune, enfant. Et ces photos, je les regardais souvent, et j'avais envie de les revoir, ces cousins. Et ma tante et mon oncle. J'ai appris aussi que c'était ma tante qui avait fait, après le décès de mon père, qui avait fait des démarches auprès des autorités américaines pour que je reçoive chaque mois une pension des États-Unis. Cette pension, je l'ai reçue jusqu'à ma majorité de 18 ans. Et à 18 ans, ma grand-mère avait reçu un courrier de l'ambassade des États-Unis disant qu'il fallait que je choisisse entre la nationalité américaine ou française. Donc, n'ayant plus aucune attache connue aux États-Unis, forcément, je suis resté en France. Ensuite, j'ai rencontré ma femme. Nous sommes mariés, nous avons eu 3 enfants. Et j'ai connu le début de l'internet pour tout un chacun. Et avec toutes les possibilités de recherche que cela offrait, et de plus en plus de recherches. Et j'avais toujours en tâche de fond cette volonté de retrouver l'histoire de mon père, retrouver ma famille aux États-Unis. Et avec l'internet, ça me donnait un outil de recherche formidable pour pouvoir aller rechercher des informations. Et j'ai souvenir qu'un jour j'avais un coup de blues, voire même peut-être un doute sur le décès de mon père, parce que je savais pas comment il était décédé, quand il avait été décédé réellement, où il était enterré et autres. Et dans des bribes de courrier, j'avais retrouvé une adresse, une vieille adresse de mon père aux États-Unis. Et ce jour-là, j'avais décidé de lui écrire une lettre manuscrite, de lui dire que j'étais marié, que j'avais des enfants, et que j'aimerais le revoir. J'ai donc posté cette lettre, et j'ai attendu. Il s'est passé un certain temps, et un jour, la lettre, bien sûr, m'est revenue par la poste, car le destinataire n'avait pas été retrouvé. J'ai souvenir aussi que peut-être peu de temps après, ma fille aînée avait aussi ce désir de retrouver notre famille aux États-Unis. Sûrement parce que je lui en parlais assez souvent. Et elle avait fait des démarches pour ça. Je sais qu'elle avait fait des recherches, je sais plus, au niveau peut-être de l'ambassade. Et donc j'étais plus tout seul à rechercher la famille, donc c'était une grande motivation pour moi d'essayer de continuer cette recherche. C'est donc au fil des ans que, au fil des recherches sur Internet, qui étaient sûrement pas aussi fournies qu'il ne l'est maintenant, je faisais des recherches sur ma famille. Et encore quelques années plus tard, j'ai trouvé un site de généalogie américain, ce qui s'appelle genealogy.com, et j'ai décidé d'y poster un message. So growing up, there was always a secret out there somewhere. En grandissant, je sentais bien qu'il y avait un secret. Je n'arrivais pas à savoir de quoi il s'agissait. Mais je me souviens avoir entendu, quand j'étais assez jeune, quelque chose à propos de la France. Mais il s'agissait d'une discussion entre adultes, et il ne s'adressait pas à moi, donc je n'y ai jamais trop pensé. En 2005, ma mère est décédée. Et quelque temps avant sa mort, l'une des infirmières qui s'occupait d'elle m'a dit un jour, « Tu sais, ta mère a un grand secret. Je sais de quoi il s'agit, mais je ne peux rien te dire. Elle va te le dire. » Mais personne ne m'a rien dit. Elle est décédée et je n'ai jamais revu cette infirmière. Donc, je savais qu'il y avait un secret. Mais j'imaginais pas du tout que ça puisse être William. J'imaginais qu'il s'agissait d'un grand secret, mais j'étais loin d'imaginer un aussi grand secret. Quand ma mère est décédée, j'étais très déprimée. Elle nous a quittés en août. Et je crois que c'était en octobre que j'ai décidé un jour de taper mon nom sur Google. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu le message de William qui disait « Je m'appelle William et je recherche ma famille aux États-Unis. Je suis né en mars 1957. J'habite en France où je suis marié et j'ai 3 enfants. Mon père s'appelait Leroy et ma tante s'appelle Lorraine. J'ai aussi un oncle. Ils sont originaires de Chicago. Ma tante est mariée avec William Keane et je crois qu'ils ont 4 enfants. Entre parenthèses, je suis photographié lorsque j'étais enfant avec 2 d'entre eux. J'aimerais reprendre contact avec eux. Merci beaucoup si vous pouvez me donner des renseignements pour les retrouver. » Et ce message, je l'avais posté le 27 juillet 2001. Je savais que mon père s'appelait Leroy. Je ne savais rien à propos de cette tante Lorraine. Mais je me suis dit, combien peut-il y avoir de Leroy à Chicago? Alors j'ai immédiatement répondu. Mais pour voir s'il y a une réponse, il faut retourner sur ce site. C'est le seul moyen d'avoir des informations. Et je n'ai pas repensé à retourner sur ce site avant longtemps. Jusqu'au jour où j'ai de nouveau tapé mon nom sur Google par hasard. Après avoir publié ce message, chaque jour, j'allais jeter un œil sur ce site pour voir si j'avais une réponse. Et ensuite, le temps passait, et j'y allais peut-être une fois toutes les semaines, et puis une fois tous les mois, et puis après... J'y allais plus très souvent, et un jour, en quittant mon travail, juste avant de partir, je décide de jeter un œil sur mon ordinateur pour voir si, sur le site, il y avait une réponse. Ce jour-là, c'était le 30 juin 2005. Et je trouve un message qui dit ceci. « Salut William, mon nom est Laura, et mon père s'appelait Leroy. J'habite Chicago, et je sais qu'il y avait un fils en France. Réponds-moi, je suis né en 1963, merci. » Et je suis donc rentré à la maison, et je suis allé voir ma femme et mes enfants, et suite à ce message, je leur ai dit, je crois que j'ai une sœur. Dès le lendemain, donc, j'ai préparé ma réponse, une réponse rapide, en disant, « Bonjour Laura, je viens juste de prendre connaissance de ton message. » Je pense que nous avons le même père. Je n'avais pas connaissance de ton existence, et j'aimerais, si tu le souhaites, que nous correspondions ensemble pour confirmer nos liens de famille. J'espère que tu me répondras, William. » Et c'est là que j'ai vu que William avait répondu. Et il avait répondu immédiatement. Mais encore une fois, je n'avais pas trop de raisons d'aller sur ce site. Après cela, on a commencé à s'écrire. Je ne réalisais pas encore que nous étions apparentés, que nous étions frères et sœurs. Mais je savais qu'il devait y avoir une sorte de lien. Et puis après, environ deux échanges, on a réalisé qu'on était de la même famille. C'était très dur au début de communiquer, les logiciels de traduction n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui. Et il était difficile de retranscrire ce qu'on ressentait vraiment. C'était évident, dès le début, qu'on avait envie de communiquer, ce qui a vraiment été une bonne chose. C'était vraiment excitant, mais j'avais peur aussi. J'étais toujours triste et déprimée à cause du décès de ma mère. Je me posais beaucoup de questions. Est-ce quelqu'un de gentil? J'avais peur de m'investir et d'être déçue. Je ne pouvais pas vraiment savoir. Je n'avais aucune idée de la personne qui était derrière l'écran. Donc, c'était effrayant mais excitant à la fois. Je me souviens qu'on avait noué une vraie relation aux alentours de Noël. Je me rappelle que c'était mon premier Noël sans ma mère. J'étais avec ma tante et je lui ai raconté, tout raconté à propos de William. J'étais tellement contente de dire que j'ai retrouvé William et c'est mon frère. Et je lui ai demandé, est-ce que tu étais au courant? Je me souviens qu'elle n'a plus ou moins dit que non à ce moment-là, mais manifestement, elle savait. On n'en a jamais vraiment reparlé. Il y a trop de belles choses autour de cette histoire pour y laisser rentrer de la négativité. C'est vraiment un beau moment de pouvoir en parler le soir de Noël. Ça aurait pu être un Noël triste sans ma mère, mais cette découverte a apporté beaucoup de joie. C'était un nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvrait. Et je me souviens, c'était assez proche des fêtes de fin d'année, de Noël. Donc on se retrouve peut-être une trentaine, une quarantaine, hein, à faire cette fête. Et j'ai raconté l'histoire qui nous arrivait d'avoir retrouvé ma sœur. Et ça a été un merveilleux moment où toute la famille a été à accepter, enfin a été très heureuse aussi de cette retrouvaille avec ma sœur. Et ensuite on a eu un moment fort aussi où Laura m'a envoyé une photo qu'elle avait retrouvée dans les archives de sa maman. C'était une photo même qui était à moitié déchirée. Et en fin de compte, c'était moi qui était petit, qui était auprès d'un petit caniche. Et moi, j'avais gardé dans mes vieilles photos également une photo qui avait été prise le même jour. C'était pas la même photo, mais c'était la photo où j'étais aussi avec le caniche et au même endroit dans le Var. Donc c'était quand même une preuve forte qu'on était frères et sœurs. Ma mère n'avait gardé que très peu d'affaires, car elle était dans une maison de retraite à la fin. Mais il y avait une boîte avec des papiers. Et dans cette boîte, il y a toujours eu cette photo d'un petit garçon avec un chien. Je n'ai jamais su qui c'était. Je ne me souviens même pas lui avoir jamais demandé. Je sais que je l'avais déjà vu étant enfant. C'est donc cette photo que j'ai envoyée à William. Il m'a aussitôt confirmé que c'était bien lui sur cette photo. Ensuite, il m'a envoyé une lettre que ma mère avait écrite à sa mère. Je suis sûre que c'est elle. Je connais l'écriture de ma mère. Elle voulait que nous nous connaissions. C'était vraiment une belle lettre. Et je ne pense pas que sa mère ne l'ait jamais eue. Non seulement on avait l'histoire, mais on avait aussi des preuves fortes de notre filiation. On était frères et sœurs, c'est certain. On avait le même papa. Au fil de nos échanges par mail, on était vraiment devenus de plus en plus proches. C'était vraiment, on était vraiment dans la relation frère-sœur dans nos échanges. malgré que qu'on n'avait pas d'histoire commune, si ce n'est nos souvenirs, les souvenirs qu'on avait retrouvés de nos parents. Et à un moment donné, forcément, est venue l'envie de se rencontrer réellement. Donc, on a décidé d'aller voir Laura aux États-Unis, tous ensemble, tous les cinq. Et donc, on a planifié le voyage. Donc, c'était en juillet 2008. Et on est parti pour rencontrer Laura. On était parti pour plus de 15 jours rester là-bas avec elle. It was amazing. I mean, even rien que de prévoir cette rencontre, c'était incroyable. First of all, we've never had on n'avait pas l'habitude de recevoir des gens chez nous. On ne savait même pas si nous allions être de bons hôtes. Ce n'est pas évident de recevoir chez soi des gens qu'on n'a jamais rencontrés personnellement. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? C'était un peu stressant. Mais tout ça s'est envolé au moment où j'ai rencontré William et sa famille. J'ai tout de suite ressenti une vraie connexion, grâce aux lettres déjà. Mais le fait de le voir en vrai a confirmé tout ça. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Même si nous n'arrivions pas toujours à parler la même langue, on n'avait pas besoin de parler pour se montrer ce qu'on ressentait. Et je suis tellement reconnaissante que William et sa famille aient pris le temps de prévoir ce voyage pour venir nous rencontrer. C'est tellement généreux. Toute la famille était heureuse. Les enfants étaient encore petits et ils étaient surexcités. Ils avaient des cousins désormais. Je me souviens quand j'attendais William à l'aéroport, dès que quelqu'un passait la porte, je me demandais si c'était lui. C'est lui? Et à la minute où je l'ai vu, j'ai su que c'était lui. C'était plutôt un moment de bonheur de dire bon bah ça y est on va passer ces quelques heures d'avion et ensuite on va rencontrer notre famille aux États-Unis. Donc j'étais vraiment content de le faire. J'étais un peu stressé, hein. Il y a une photo que j'ai où on me voit où j'ai un sourire qui montre un peu quand même le stress que j'ai derrière. Bon, j'avais aussi pas seulement le stress de l'avion, j'avais aussi quand même le stress de la rencontre de ma sœur. Comment ça allait se passer? Est-ce qu'on allait s'entendre? Est-ce qu'on allait se comprendre? Parce que moi, je parle un peu anglais, mais c'était un anglais scolaire, donc j'ai pas... Et donc, il y avait tout ce stress-là. Comment allait se passer la toute première rencontre à l'aéroport? Alors, quand on arrive aux États-Unis, il y a toutes des démarches administratives, sécuritaires qui sont mises en place, donc on passe par différentes étapes où il faut montrer patte blanche pour rentrer aux États-Unis. Donc déjà là, on commence à se mettre un peu dans le bain, on a le temps de se mettre dans le bain parce qu'on ne sort pas directement de la zone de l'aéroport. Et donc petit à petit, au fil des couloirs et au fil des... J'avançais et on a une vidéo où c'était Caroline, je pense, qui m'avait filmé en train de progresser dans les couloirs jusqu'à la dernière porte qui ouvrait vers la sortie de l'aéroport. Et là, tout de suite, j'ai vu Laura, puisque bon, j'avais vu en photo, donc je l'ai reconnue. Elle était là, je la voyais, elle était toute excitée de cette rencontre aussi, et elle est passée, je me souviens, sous la barrière, et on s'est pris dans les bras. Donc moi, j'étais un petit peu, je savais pas, j'avais envie de l'embrasser, mais j'ai appris après que aux États-Unis on n'embrasse pas facilement, donc mais c'est plus une accolade qu'on fait, donc on a fait une accolade tous les deux, et c'était formidable. Il n'y avait pas besoin de parler, c'était juste la rencontre à l'état pur, de se prendre dans les bras et puis de dire ben, j'ai retrouvé ma sœur et elle a retrouvé son frère. Je pense que Le premier voyage qu'on a fait aux États-Unis nous a permis de tisser ensemble des liens très forts. Parce qu'on était, effectivement, on avait le même papa, mais aussi parce qu'on s'appréciait beaucoup mutuellement. De fait, on a tissé des liens très forts. Ce sont des liens qu'on a dû créer, puisqu'on n'avait pas de passé tous les deux, on n'avait pas d'histoire commune de frères et sœurs, d'histoire où on se serait connus quand on était plus jeune, qu'on aurait joué ensemble. Donc tout était à créer à ce moment-là. Et voilà, c'est un peu une relation particulière, mais forte quand même, de frères et sœurs qui effectivement, longtemps après, se mettent en place. Ma relation avec Laura en tant que frère et sœur est pleine d'amour, je pense, l'un envers l'autre. Ça, c'est certain. Il nous manque très certainement quand même ce vécu que nous aurions pu avoir quand nous étions enfants, qui nous aurait permis peut-être d'aller encore un peu plus loin dans la complicité. Mais je pense que c'est normal. Malgré tout, c'est plein, c'est très fort. Notre relation, notre lien est très fort l'un avec l'autre. Je pense que si l'un avait besoin de l'autre, l'autre tout de suite serait présent pour venir en aide à son frère ou sa sœur. C'était pas évident quand on s'est rencontrés de savoir comment on vivait la relation avec l'autre. Pas seulement avec son frère et sa sœur, mais avec tous les autres, les membres de sa famille. Et en fin de compte, on avait les mêmes visions des choses par rapport à ça. C'est pour ça, je pense, qu'on s'est entendu très très rapidement. Je pense que ni lui ni moi ne savions comment être un frère ou une sœur. On n'avait pas d'attente particulière. Ça aurait été vraiment différent si lui ou moi avions un frère ou une sœur et que tout à coup une nouvelle personne arrivait dans la fratrie. On ne savait pas comment vivre cette relation. On a dû tout imaginer. Je pense que tout ce qu'on a eu, et qui est déjà énorme, c'est du bonus pour nous parce que finalement, on n'avait rien du tout au départ. Et maintenant, on a quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment un cadeau. Finalement, tu choisis d'être avec des gens ou pas. Il y a plein de frères et sœurs qui ne s'entendent pas et qui n'ont pas su apprécier ce cadeau. Juste parce que tu as des liens de famille, ça ne veut pas dire que ce sera forcément positif. Mais ce qui est bien à propos de William et moi, c'est qu'on voulait vraiment que ça fonctionne. On s'est véritablement ouvert à cette expérience. Open. We opened ourselves up to that experience. C'est notre histoire et ça me touche énormément. I love him to pieces, you know. He's part of me. Ça me touche beaucoup cette histoire, peut-être déjà parce que on l'a vécu en fait, donc forcément c'est particulier. Mais il y a eu tellement de rebondissements et de surprises et puis la fin qui se finit quand même bien, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on s'entend très bien nos deux familles. J'ai l'impression que tu t'en souviens plus que moi, je m'en souviens, parce que j'étais quand même encore assez jeune. J'ai l'impression que toute ta vie, t'es jeune en fait. T'es encore jeune, t'as quel âge, tu peux me rappeler? Tu vas te souvenir de ce podcast ou pas? Non, mais tu vois, est-ce que toi tu te souviens de quand papa est rentré du travail, qui nous l'a dit, qui nous l'a annoncé? Moi, j'en ai pas vraiment de souvenir en fait. Je me souviens pas précisément de ce moment-là. Mais je me souviens bien quand on a commencé à comparer les photos. Notamment aussi, ils n'en ont pas parlé, mais ils se sont envoyés des photos de leur père. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Oui. Mais papa, il avait des photos de son père forcément plus jeune. Et Laura, elle avait des photos de son père quand même, pas beaucoup, plus âgé. Et il avait beaucoup, beaucoup changé. Et, mais il n'y avait pas une histoire de tatouage? Ah oui, aussi, oui, c'est vrai. Mais au niveau du visage, on se demandait en fait... Moi, je me souviens en fait, qu'on avait le doute que, ouais, on se disait, est-ce que c'est possible que ce soit sa sœur? Enfin, genre, oui. Est-ce que c'est les mêmes personnes là, Leroy, tu vois, jeune, coupe militaire, tu vois, bien les choses sur la tête, et puis après, plus âgé, beaucoup plus, un peu plus bouffi, je sais pas si tu te souviens des photos. Oui, moi, il avait un visage plus rond. Ouais. Et sur les photos de Laura. On le reconnaissait pas en fait. Oui, c'est vrai. Et du coup, me souviens moi beaucoup de ça, qu'on se disait, mais attends, est-ce que c'est sûr, ça se trouve, on va chez eux, c'est pas notre famille quoi. Comment ça se fait que deux personnes qui se connaissaient pas avant s'entendent bien et arrivent à garder contact, venir se voir dans des pays étrangers? Est-ce que le lien fraternel explique ça à lui tout seul? Ou est-ce que c'est beaucoup plus complexe encore une fois que ça, c'est-à-dire c'est vrai qu'on a les mêmes valeurs, on partage la même vision de la vie un peu avec Laura et sa famille. Bah oui, je pense que c'est ça surtout, enfin comme ils le disent un peu ça, enfin ils avaient vraiment tous les deux envie d'avoir enfin de se connaître déjà. Et en plus, quand ils ont compris qu'ils avaient les mêmes valeurs, ça a forcément renforcé leur lien, je pense. Et je dirais aussi que, enfin, je sais pas pour papa, je pense vraiment personnellement que c'est quelque chose qui lui a toujours manqué. Il a toujours eu cette impression d'être un peu seul au monde, quoi, de pas avoir de famille. Même s'il nous avait nous, enfin, je veux dire. Comme on peut le comprendre quand on écoute son histoire, il était quand même assez seul et je pense que bah pour lui c'est hyper important d'avoir cette relation et de l'entretenir quoi, même pour nous en fait, pour qu'on ait nous aussi une famille de son côté quoi. C'est vraiment ça qui fait que il s'est beaucoup on l'a vu nous qu'il s'est beaucoup investi dans cette relation que il a toujours, il essaie toujours de garder le contact. Voilà. Oui, c'est peut-être aussi le fait qu'ils aient des histoires similaires, comme ils le disent. C'est-à-dire que chacun de leur côté, ils n'avaient pas de frères et sœurs. Ils n'avaient pas trop de famille. Au-delà des frères et sœurs, c'est pas comme s'ils avaient des oncles et tantes, des cousins. Par ailleurs, une famille un peu étoffée. Enfin. Ils n'avaient pas non plus de famille étendue, en quelque sorte. Et du coup, ça a été comme vraiment un plus extraordinaire, quoi. Moi, je suis contente d'avoir fait ce podcast sur cette histoire, parce que ça fait vraiment très longtemps que je me dis « Oh, j'aimerais trop faire un truc de cette histoire. » Genre, au début, je voulais faire une BD, mais en fait, je ne sais pas dessiner, donc c'est compliqué. Un film. Bon, c'est... Et vous savez ce que c'est, faire un film, Fermina? Merci pour votre écoute. Avant de vous quitter, on voulait remercier William et Laura pour cette belle histoire et Virginie pour la voix off. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. En attendant, si vous souhaitez participer et venir nous parler de votre fratrie, vous pouvez nous contacter sur Instagram @notrebellefratrie. Et suivez-nous. À bientôt.